tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, le surf, une vague mondiale. Une série documentaire de Raphaël Kraft réalisée par Gilles Mardi-Rossian. Au départ de cette série, il y a ces vagues gigantesques, fascinantes et terrifiantes. Ces silhouettes minuscules qui glissent sur des murs d'eau et le souvenir d'adolescence de Kinu et Patrick. Alors pour commencer, les personnages. Un journaliste sur la vague, des surfeurs de grosses vagues, une surfeuse dans le tube, un jardinier qui guette, un écrivain qui raconte, un président de fédération et des surfeurs solitaires. Ensuite, le décor. Le Pays Basque, une vague locale, le large, des voyages, une quête. Bali, un film mythique, la guerre du Vietnam, la politique, l'impérialisme culturel, des piscines à vagues, Bellara, Teahupo, Nazaré et un livre. Aujourd'hui, 4e épisode, on se pose une question. Un pilou. Une vague parfaite. Et toi? Waouh. C'est... Pour moi, la vague parfaite, c'est un moment fort, un moment spécial qu'on peut partager ou pas. C'est une vague complètement lisse, un petit tube, pas trop méchant, mais bien. On n'a aucune angoisse, on est dans le moment présent, on vit le moment présent. Et c'est la glisse à l'état pur. J'ai ma combare et puis Jibus me... C'est une vague qui fait entre 1m50 et 2m50. C'est un mur qui va se tendre à l'infini. C'est une vague qui va tout pardonner. C'est une vague... Et puis après, il y a toute une ambiance sur chaque spot. C'est quand t'es dans l'eau, l'atmosphère, la côte, la lumière. Dans un bel endroit. Je pense que pour moi, l'endroit, le côté nature est très important. Une plage déserte. Ah oui. Allez, avec 3-4 copains, copines, et vivre ce moment, le partager, c'est important aussi. La vague parfaite. Mais attends, c'est... Par le maintien en face. Hein. C'est par le maintien, ouais. Voilà. Mais toute petite. Enfin, par le maintien à marée haute, en fait. Par le maintien, c'est à cette taille. Plus gros, on appelle ça Guétari. Alors nous, le club de surf de Guétari, avec Jibus, on l'appelle Guétari, la vague. Et celui de Bidart, l'appelle par le maintien. Voilà. Là, on descend au local. On est pas mal quand même ici. Hein. Du surf club, de l'Urquirola Surf Club, qui a été fondé donc en 1967. Et Urquirola, ça veut dire jeu d'eau en basque. Et donc le local, il est dans un bâtiment qui est juste en face de la vague de Parlementia. Jibus de Soultrey, cofondateur du magazine Surf Session, rédacteur en chef de Surfer Journal. En fait, ça s'est appelé naturellement la vague de Guétari parce que le point de vue de la vague est sur la terrasse de Guétari et c'est là où on la voit magnifiquement. Et personne ici est censé savoir que la plage de Parlementia appartient à la ville de Bidart à côté. Quoi. Donc c'est une vague qui est devenue un patrimoine local, elle est patrimonialisée pour ainsi dire. Oui, d'abord c'est une des rares vagues qui déferle au large. Donc c'est un patrimoine dans la mesure où quand elle déferle, le paysage change. Elle donne toute sa majesté au paysage océanique qu'on a face à soi. Et elle est isolée. C'est un pic qui déferle en droite, gauche. C'est pas juste un amoncellement d'écume comme quand on est face aux grosses vagues landaises. Tandis que là, c'est un haut fond qui est un peu plus au large. Elle s'isole et elle crée un patrimoine esthétique du paysage. Et on pourrait... mettre des vagues au patrimoine de l'humanité en disant que c'est des paysages éphémères, c'est ça. Et forcément, comme toutes les vagues, elles ont pris une valeur culturelle à partir du moment où elles ont été surfées, puisque pour les pêcheurs, c'était un obstacle, donc ils n'avaient pas beaucoup de considération, hormis le fait de l'avoir déferlée. Et à partir du moment où elles sont surfées, s'y greffe des histoires humaines, hein, une évolution d'un sport, des individus qui sont allés la surfer, des histoires. Et donc là, il y a une culture, voilà, qui se crée. Et donc par les Mencia, par rapport au surf en France, c'est une vague qui a été assez vite surfée. Le surf est arrivé en 1957 à la côte des Basques. Et cette vague, elle a commencé à être surfée vers 1960-61. Ah, celle-là, regarde celle-là. Ah, si, elle est belle, celle-là. Pilou du calme, jardinier et surfeur de grosses vagues. Ah, ça, c'est bon. Ah, celle-là encore. Oh là là là là là. Tu peux nous la décrire, cette vague ? Cette vague, là, elle est un peu, là c'est marée haute, donc il n'y a pas vraiment d'épaule, c'est-à-dire du mur tout le long, toute la face, tu vois. Donc là, il est obligé de revenir beaucoup à l'intérieur de la vague, ce qu'on appelle des cutbacks, tu vois, il revient. Sinon, quand il y a plus de murs, tu traces, tu vas plus vite, tu vois, tu fais des hauts bas, quoi, tu montes, tu descends. Mais bon, il a eu belle, hein, regarde. C'est peut-être la seule vague qu'il a prise aujourd'hui, hein, parce qu'il y a du monde à l'eau, hein, 1000 euros. La vague parfaite, on l'a découverte en fait au travers des magazines. En 1960, un cinéaste de surf qui s'appelle John Severson filmait des séquences de surf, puis les projetait en Californie. Puis un jour, il décide de faire un petit catalogue photo pour le programme de projection. Et puis, il fait ce petit programme qui s'appelle Surfer. Et il voit le succès qu'a ce petit livret auprès de ses spectateurs. Et du coup, il arrête le cinéma et il devient éditeur de magazine, et donc d'un magazine qui s'appelle Surfer Magazine. Et donc, en naissance en 1960. Et j'ai eu la chance de découvrir cette revue très jeune, évidemment en ne comprenant pas l'anglais, mais en découpant les images. Et forcément, dans ce magazine, on mettait beaucoup d'images de belles vagues. Et on nommait les endroits. Alors, il y avait Hawaï, il y avait la Californie. Et petit à petit, dans ce magazine, s'est instauré le voyage du surf, c'est-à-dire des surfeurs qui partaient en voyage pour aller chercher de belles vagues, et évidemment, qui publiaient les belles photos de leur voyage. Et donc, la quête de la vague parfaite est devenue, en fait, une invitation au voyage. Et moi, j'ai été happé par cette génération. Alors, les premiers voyageurs de surf, c'est les années 60. Mais surtout, le voyage surf, il se caractérise à la fin des années 60 et dans les années 70, avec un peu le surf qui est solidaire du mouvement hippie contre la guerre du Vietnam et qui offre une forme de contre-culture qui est notamment celle du voyage. Et la France elle-même étant devenue une destination de surf pour ces voyageurs californiens, australiens, anglais, eh bien, les témoignages de ces surfeurs avec qui on discute, à qui on achète du matériel, etc., sont des invitations au voyage. Et après, j'ai eu cette chance à l'âge de 17 ans. On a pris un billet d'avion pour aller en Indonésie et puis on a découvert Bali en 1974, qui était la destination des vagues un peu parfaites où on rencontrait beaucoup de voyageurs australiens qui, eux, ont été les pionniers de la découverte des vagues en Indonésie. Jérémy Lemarié, maître de conférence à l'université de Reims-Champagne-Ardennes. Ce qui donne le caractère si singulier de cette culture surf contemporaine, c'est le fait que la découverte de nouvelles vagues résonne largement dans ce contexte historique, résonne avec l'idéologie américaine. C'est-à-dire que... La notion de frontière, notamment. Alors, exactement. La notion de frontière aux États-Unis, c'est un espace qui est ouvert, de préférence vierge ou inhabité, et par conséquent, un espace à conquérir. Eh bien là, on se retrouve durant les années 50, 60, contexte de guerre froide, mais également explosion du surf lorsqu'on on regarde l'industrie des planches, mais également le nombre de pratiquants. Et on va retrouver donc ces mêmes jeunes surfeurs californiens dans une situation assez aisée qui leur permet de voyager à travers le monde et à découvrir en quelque sorte. Alors le mot découvrir est chargé de sens puisque eux découvrent de nouvelles vagues, mais ces vagues, eh bien, ce sont les vagues des locaux qui vivent déjà sur place. Donc ils découvrent à leurs yeux. C'est aussi toute une littérature à la fois de voyage qui va nourrir ce que l'on appelle le surf trip. Le surf trip aussi est largement diffusé par l'intermédiaire de documentaires, dont un des plus emblématiques, hein, c'est The Endless Summer, qui sera alors mis sur les écrans en 1966. Et ce surf trip, donc ce voyage de surf, revêt tout un univers aussi, de la césure avec le quotidien. Hein, on voyage et il y a un peu ce côté conquérant dans la mesure, on va chercher à dompter de nouvelles vagues. Le film qui incarne ce que vous dites, Gibus de Soultrey, c'est The Endless Summer. C'est son titre qui a créé le mythe, qui est l'été sans fin. Et en fait, il faut resituer le moment. Donc le réalisateur, Bruce Brown, fait un peu comme le fondateur de Surfer Magazine, John Severson, il est cinéaste de surf. Puis un jour, il dit, allez, je vais faire un grand film, puis je vais faire un tour du monde. Il prend avec lui les deux meilleurs surfeurs californiens du moment, il se constitue un petit budget, il négocie des billets d'avion avec une compagnie qui lui font faire des sauts de puce en Afrique, en Australie, et puis retour sur la Californie, en Nouvelle-Zélande. Le tournage se termine en 1964. Et à la fin du tournage, il fait son montage. Il raconte l'histoire de ces deux mecs qui cherchent la vague parfaite. Ça finit sur un coucher de soleil. Puis il se trouve à Cap Saint-Francis, entre Durban et le Cap. Voilà, il découvre une vague magnifique en Afrique du Sud, à Cap Saint-Francis, derrière la dune. On est en 66 et ce film est diffusé. Entre-temps, 65, l'Amérique est rentrée dans la guerre du Vietnam. Et la guerre du Vietnam, c'est-à-dire c'est la jeunesse américaine, et puis soudainement cette jeunesse, on lui dit, eh bien vous allez au Vietnam. Et c'est par tirage au sort qu'on envoie les conscrits au Vietnam, et elle a engendré tout le mouvement hippie et contre-culturel du soulèvement de la jeunesse contre la guerre du Vietnam. Et le film Endless Summer sort en 66 dans les salles, à l'heure des actualités, à 18h30, 19h, eh bien, chaque foyer américain allumait la télévision et il avait la guerre du Vietnam à l'écran, avec toutes ses horreurs, ses conquêtes, sa propagande, etc. Néanmoins, les jeunes voyaient ça. Et en même temps, le surf se développait en Californie. Les jeunes s'amusaient sur la plage. Endless Summer passait dans toutes les salles des cinémas des États-Unis. Et donc, entre le rêve et le cauchemar, je crois que la jeunesse, elle a choisi son camp. Et du coup, le mot « Endless Summer », l'été sans fin, est devenu un espèce de slogan révolutionnaire contre la guerre du Vietnam. Et qu'est-ce qu'ont fait tous ces jeunes? Eh bien, en bonne partie, ils ont fui et ils sont allés se cacher à Hawaï, sur l'île de Maui, ou sinon ils partaient en voyage, enfin ils évitaient de se faire appeler pour partir au Vietnam. Et ce qui s'est passé, c'est que tous les films de surf qui ont été faits après, et il y en a eu beaucoup, ont pris le principe du voyage comme élément de scénario. Et c'est là où on peut commencer à avoir un regard critique sur ce que l'on appellerait le surf trip, et ces voyages initiatiques, c'est qu'effectivement, on est dans une société américaine des années 50-60 qui est quand même beaucoup égocentré en quelque sorte. Blanche hétérosexuelle. Voilà, c'est ça, blanche hétérosexuelle, il faut le dire aussi aisée, et qui quand même a ce luxe de voyager. Comme tout le monde ne peut pas se le permettre. Exactement. Et lorsqu'il se retrouve en Afrique, effectivement, on retrouve un peu un univers colonialiste. On a une société capitaliste, en tout cas consumériste, qui est dans l'exploitation de ressources, quelles qu'elles soient, et là, de la ressource naturelle étant la vague, et en disant, bah, regardez, vous, indigènes, il y a des vagues en permanence, mais vous n'en faites rien. Ou vous n'en faites pas assez avec. Il y a cette idée de donneur de bonnes leçons et montreur en tant que maître que ça, on peut le faire. Et ce caractère colonial, on le retrouve aussi dans la nomination, c'est-à-dire en fait dans l'idée qu'il convient de donner un nom à cette vague. On pourrait très bien demander, tiens, comment s'appelle cette plage? Que pensez-vous d'un nom local qui conviendrait très bien à cette tradition? Ben non, le nom que l'on va donner à cette vague, c'est un nom occidental. Par exemple. Une des plus grandes vagues d'Hawaï, qui est donc Jaws, P-A-I. Les mâchoires de requins, Jaws. Et ça, on va le retrouver partout dans le monde. Alors, on a cette dimension culturelle de The Endless Summer, mais il y a aussi le soft power culturel et le Congrès américain, le Sénat américain, Ronald Reagan, qui est alors gouverneur de la Californie, vont écrire des lettres, pour ainsi dire, de créance, de soutien à des surfeurs qui vont partir explorer le monde pour conquérir de nouvelles vagues. Effectivement, le surf trip a conforté les États-Unis dans leur soft power et dans leur impérialisme culturel. Là, on a vu une stratégie de récupération qui a été faite par ces élus, donc notamment Ronald Reagan, le gouverneur de Californie. Et le cas le plus documenté, ça a été avec un club de surf de San Diego qui s'appelle le Wind and Sea Surf Club. Alors Wind and Sea, c'est le nom d'un spot de surf qui se situe à La Jolla, qui est un des quartiers les plus aisés de San Diego. Et ce club de surf qui a été fondé en 1963, très rapidement rédige dans ses statuts que l'objectif du club étant de redorer l'image du surf et des surfeurs, et qui va largement encourager ces surfeurs à se conformer à ce que la société américaine attend du citoyen modèle, c'est-à-dire de ne pas avoir les cheveux longs, également de bien se représenter, donc souvent des choses improbables. On se retrouvait parfois avec des réunions de club où ses membres étaient habillés en costume, etc. Et donc pour sortir de cette image un peu du fumeur de pétard, à cheveux longs, un clochard de plage, on parle alors de beach bum aux États-Unis. Et donc on voit que l'entreprise qui a été celle du Wind and Sea Surf Club dès les années 1960, de redorer l'image du surf et du surfeur, eh bien là, on se retrouve à une situation similaire où on a toute cette lettre de soutien de la part de hauts dirigeants politiques californiens, donc dont Ronald Reagan, reconnaissant les surfeurs comme des ambassadeurs non officiels, bien évidemment, mais tout de même des ambassadeurs, eh bien, de la culture américaine, aussi du surf, ambassadeurs of goodwill, du bien fondé, et à l'inverse, peut-être des personnes comme vous et moi lorsque l'on fait notre surf trip, eh bien là je pense que c'est de manière plus inconsciente, eh bien on diffuse aussi toute cette imagerie là, tout cet imaginaire, peut-être même c'est mystique. Nous aussi, si on fait notre surf trip, c'est parce qu'on peut le permettre, c'est parce qu'on est issu d'un pays occidental, et bien évidemment les destinations que l'on convoite, à l'image de ces Californiens des années 50, ce sont celles qui vont faire appel à l'exotisme. C'est notamment toute l'Asie du Sud-Est avec l'Indonésie qui, par excellence, redevient ou devient pour nous, Européens, la terre du surf à découvrir. Plus à l'intérieur des terres, sur les bords de l'Adour, à Dax, pour rencontrer Jérôme Lafargue, encore un surfeur. C'est ça ? C'est ça. Jérôme Lafargue, écrivain et sociologue. Ce qui anime ces surfeurs, c'est quand ils surfent en tout cas, c'est trouver la bonne vague. Donc s'il faut prendre l'avion pour la trouver, ben, on prend l'avion. S'il faut soudoyer des types pour qu'ils vous envoient partir en bateau ou que sais-je encore pour aller au loin sur le spot, ben, ils le font. Voilà, je trouve que le surf, il faut le dire les choses comme elles sont. Il y a un côté extrêmement individualiste. Et, alors, Mickey Dora, c'est un peu l'exemple type du... Mickey Dora, champion de surf des années 60-70, personnage interlope, suprémaciste blanc. Oui, aussi. Mais Mickey Dora, c'est celui qui a absolument compris, qui a joué avec cette société de consommation qui n'a cessé de vilipender et dont il s'est servi pour pouvoir vivre du surf, puisqu'il a fait quantité de publicité, il a participé à quantité de petits films. Et en même temps, c'était le défenseur du surf comme contre-culture. Donc on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est cette espèce d'hypocrite? Mais en même temps, c'est, aujourd'hui, le surf, c'est quand même un peu ça, malgré tout. C'est-à-dire, la vogue des surf trips qui sont organisés par les agences de voyage où on balance des milliers d'euros pour aller sur un truc merveilleux. Mais qui est merveilleux? En Indonésie, où ça n'a absolument rien d'écologique. Certaines planches, elles sont fabriquées avec des matériaux qui sont tout sauf écologiques, même si aujourd'hui il y a quand même une grosse transformation de l'industrie du surf de ce point de vue-là. Donc il y a plein de contradictions dans cette pratique-là. C'est la standardisation, c'est la marchandisation, et le surf ne pouvait pas y échapper. Et en même temps, je pense que quand on s'intéresse vraiment à la construction, à l'émergence de ce qu'on appelait la contre-culture du surf, à partir des années 30, en fait, des années 30-40 aux États-Unis, ben, dès le début, ça a été récupéré par les industries, par les médias, et ce sont les vrais surfeurs qui vivaient sur la plage de trois fois rien. Dans des cabanes, qui dormaient sur la plage, qui vraiment vivaient leur truc à fond, qui ont fait le choix de ne pas profiter, comme Mickey Dora a pu le faire, et d'autres, hein, de justement cette manne financière qui était là, mais qui ont dédaigné au nom de la sacralité du surf. Et ceux-là, voilà, on les a oubliés. T'as dormi dans ton camion quand t'es allé surfer? Ouais, mais en fait, la veille de grosses sessions, on ne dort pas vraiment. Parce que t'es excité, t'as l'adrénaline, tu vois, donc toutes les heures tu te réveilles, tu regardes le réveil. Et... Moi, je suis pas du tout matinal, mais pas du tout. Mais les jours de grosses vagues, à 5h du mat, j'ai les yeux grands ouverts, je suis debout, et voilà. C'est la peur? Ouais, la peur, mais c'est bien de l'avoir, cette peur. Parce que justement, t'as la peur, après quand tu rentres à l'eau, tu as l'adrénaline, l'euphorie, le... Et puis... Tu te prends pour un surhomme, quoi, t'es boosté, c'est génial, c'est génial. Regarde ce série si elle est belle encore. Wow. Bon, quand je suis parti à Mavericks, je faisais du sport sans arrêt. Mavericks c'est en Californie, c'est à 1h de Santa Cruz, 1h de San Francisco. Je pense que c'est une des plus belles et des pires vagues qui existent sur la planète. Elle est plus petite que Nazaré, mais elle est plus technique. Elle est plus puissante. Eh ben, disons que c'est dans l'eau froide déjà, ouais. C'est loin, il y a du requin blanc, mais le froid, les requins, quand tu rentres à l'eau, que tu vois la vague de profil, tu l'oublies, tu l'oublies. Je crois que la vague, elle te fait plus peur qu'un requin blanc, tu vois. Et tu te dis que c'est pas surfable, et en fait, quand tu te mets à ramer sur cette vague, comme le line-up, l'endroit où tu te places pour partir est quand même très bien défini, tu te mets à ramer, tu pars sur une vague de 3 mètres, et quand tu commences à te lever, mais là, elle fait que monter, elle fait 6, 7, 8, 10, voilà, ça fait que monter, tu vois. La lèvre, elle jette tellement, tu te dis, c'est pas sympa. C'est quoi la lèvre jette tellement? La lèvre, c'est l'eau de la vague qui forme le tube, le tunnel qu'on appelle, tu vois, et qui part vraiment très loin en l'air, qui va très bas. Donc c'est un trou énorme, c'est une caverne. Tu rentres en camion dedans. Voilà. Et puis après, c'est technique, parce qu'il faut vraiment appuyer sur la planche pour descendre la vague, mais en même temps avoir cette retenue pour pas piquer du nez. Tu surfes comme un chat. Et puis quand tu es en bas de vague, tu entends le bruit. Tu entends, tu tournes et tu entends. Tu vois, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Et puis le Maverick, ce qui est impressionnant, c'est que dès que tu vois un peu quelqu'un bouger ou ramer qui est plus loin que toi, bah, tu te mets à ramer parce que tu te dis, il y a quelque chose qui arrive. Il y a le mammouth qui arrive, il va falloir que je bouge, quoi, tu vois. Et là, donc, t'es tout le temps sous tension. C'est-à-dire que le point d'impact se déplace un peu plus. Se déplace. Moi, j'ai passé deux vagues sous l'eau là-bas. C'est-à-dire que j'ai passé une vague et je me suis dit, je passe la première en ramant, je vais passer la deuxième. Mais la deuxième, elle était déjà en train de casser derrière. Elle était énorme. Et elle m'a cassé sur la tête, elle m'a arraché la cagoule de la combi. J'ai passé deux vagues sous l'eau parce qu'elle m'a envoyé au fond. Je ne me rappelle pas le moment où elle m'a envoyé au fond, mais ça m'a tellement secoué que j'étais KO. Et il y a un bruit qui m'a interpellé, c'était comme un bruit de clochette, que je trouvais ça très beau. Et là, j'ai regardé la surface, ça m'a réveillé quoi. Et là je voyais une deuxième vague qui arrivait, c'est-à-dire comme un rideau de piscine qui se passe au-dessus de ma tête. Donc c'est tout noir, après je revois la lumière, et là j'ai la présence d'esprit de pousser avec mon pied sur mon attache de planche là, qui m'a fait pousser comme un arc. Et je suis remonté à la surface. Et là j'ai respiré, c'est en fait tu prends ta respiration comme un nouveau-né. Toi dans ces conditions-là, tu as l'impression de revivre, de sortir du ventre de ta mère. Le moment que j'ai passé sous l'eau, c'est le plus beau moment de ma vie. J'étais en train de partir. C'était beau, c'était tellement beau. Et c'est ça qui n'est pas normal. T'es dans un truc qui fait plus de 8 mètres et tu prends ton pied quoi. Et puis après cette respiration et tout, tu revis. Pour moi, j'ai failli mourir. C'est une renaissance, tu vois. Tu vois, je me rappelle, c'était le 23 janvier en 2012. Et voilà. Mais c'est un endroit où j'ai pas envie de repartir. Pourquoi ? J'ai eu trop de chance. C'est presque pas normal que je sois là aujourd'hui. J'ai eu vraiment trop de chance. Tu vois, l'autre jour, on a surfé Bellara. On l'a tenté à la rame. On était plusieurs à tenter à la rame. Et bien, cette vague-là, quand tu dois y aller, tu te prépares à l'avance et tu dors pas, t'es pas bien, t'as mal au ventre une semaine avant d'y penser, tu vois. Mais là, j'étais tellement bien la dernière fois que j'ai mon gilet que je percute, j'étais sous l'eau, j'ai pris trois vagues sur la tête. Les trois premières, j'ai pas actionné le gilet. Et en fait, j'étais vachement bien. Mais la dernière, j'étais tellement loin, j'avais mal aux oreilles, j'étais tellement profond que j'ai quand même dit, allez, là, il faut que je remonte, tu vois. Elle fait quelle taille, cette vague de Bellara ? Oh, ça fait plus de 10 mètres, 15 mètres, tu vois, c'est dans ces eaux-là, quoi. Arrête, tu me fais vivre des moments, j'en pleurerai là, tellement c'est bon quoi. Peyo Lizarazu, surfeur de grosses vagues. Bellara est un haut fond qui se trouve au large de la route de la Corniche sur la côte basque entre Saint-Jean-de-Luz, Andaye et Urugne. Et donc c'est une vague de plein océan qui déroule dans des conditions bien particulières, que sont des conditions de très grosse houle. En général, au minimum, 15 mètres de houle. La mécanique des vagues veut que, pour qu'une vague casse, il faut que la hauteur de houle soit supérieure ou équivalent à une fois la profondeur d'eau qui est en dessous. Donc c'est un haut fond marin qui est en moyenne à 15 mètres de profondeur. Donc c'est rare, c'est des conditions qui sont rares. Et pour que ça casse bien, il faut les bonnes orientations, il faut surtout avoir le bon vent. Et en général, il y a la tempête qui est là aussi. Donc les conditions sont rarement bonnes. On a eu, on a encore eu récemment des très belles conditions avec une très belle houle, mais c'est malheureusement rare par rapport au Pacifique, par exemple, où il y a une régularité de grosses houles venant de très loin et avec des conditions atmosphériques de beau temps, de vent qui sont très souvent bien meilleures. Comment tu l'as découverte, cette vague ? En grandissant tout simplement au Pays Basque, en écoutant les récits des anciens, mais aussi en étant jeune surfeur et observant. Moi, j'ai grandi en Aïe, mes grands-parents maternels étaient à Cibourg, donc j'ai fait cette route très souvent. C'est vrai que j'ai vu cette vague étant très jeune, et je me demandais ce que c'était. Et puis, au fur et à mesure de mon évolution de surfeur, j'ai commencé à penser qu'on pouvait la surfer, et puis à un moment, c'est devenu un projet collectif, jusqu'au jour où on est allé surfer pour la première fois avec un groupe de 6 amis en novembre 2002. Le surfeur garde quand même en tête le souvenir d'une vague en particulier. Ouais. Et c'est pas seulement le souvenir de la vague, c'est-à-dire qu'il se refait la vague dans sa tête du départ, du take-off, mm-hmm. en passant par le drop, la descente. Mm-hmm. Jusqu'au bottom turn, qui est quelque chose de vivace dans les souvenirs. Oui, c'est quoi cette vague ? Moi, ça serait une vague en Polynésie française, à Tchopo, qui est un autre endroit assez magnifique, où l'espace de quelques secondes, effectivement, ça a duré une éternité. Mais Tchopo, c'est une vague qui est reconnaissable entre toutes, quand même. Oui. Tu peux nous la décrire ? Oui. Si on demande, je pense, à des enfants de faire le dessin d'une vague, ils vont prendre une ligne droite et puis ils vont faire une petite montagne avec une courbe et puis on va retrouver le niveau de la mer plat. Le Tchopo, c'est comme s'il y avait une énorme couche de... Moi, j'aime bien prendre les images des fois de poutres. T'as une pièce de bois qui vient glisser sur une autre pièce de bois, quoi. C'est ça, Chopo. Il y a un mur, mais derrière, l'océan, il est à un autre niveau, quoi. Alors, bien sûr, tout sera plané à un moment, mais il y a une telle masse d'eau qui rentre. C'est vraiment tout le Pacifique Sud qui rentre dans cette baie. Et c'est ce qui est vraiment impressionnant. Et le volume d'eau qu'il y a sur Chopo et qui fait qu'elle est très creuse, mais qu'elle est très dense derrière, quoi. Dans la scène du surf, il y a tout un débat sur la vague vue de derrière, quoi. Les Hawaïens mesurent les vagues de derrière. Et ce qui se passe derrière la vague est presque aussi important que ce qui se passe devant, quoi. Et sur Chopo... Elle est presque plate derrière. Mais tout à fait, elle est presque plate, mais cette platitude ne représente pas le danger que ça représente effectivement au niveau des volumes d'eau qui sont là, quoi. Elle a plusieurs courbes, cette vague. C'est effectivement une vague qui a un peu une forme de fer à cheval sur sa partie longue. Puis après, au niveau du profil, c'est ce qu'on appelle un des très très beaux tubes qui est un peu le graal du surfeur, avec cet objectif d'aller se glisser et glisser dans ce cylindre. Donc effectivement, elle est courbe à double sens. C'est très visuel, c'est très impressionnant à voir, et c'est lié à la forme du récif corallien. Chanson qui s'appelle Tiupu sur la vague à Tahiti. Au studio Shorebreaker à Tarnos avec Petit Fantôme et Liane Curren. C'est une chanson. Qui est une vague que Liane a surfé. Exactement. Peu de gens ont surfé, à part les Tahitiens. Voilà. Et voilà, justement, c'est une chanson sur un hommage à Malik Joyeux. Qui est ? Qui est un surfeur de Tahiti et qui est décédé en 2005, je crois. Ouais. Et qui surfait beaucoup cette vague. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert quand j'avais 15 ans, en fait. Il est mort perturbé. À Pipeline. Ouais, il est mort à Hawaï. Une vague très difficile à Hawaï. Voilà, et du coup, il surfait Tiupu avec son frère, lui. Et du coup, j'avais fait cette chanson, parce que Tiupu, ça veut dire le mur de crâne. Voilà, donc ça parle de Malik Joyeux, hein, qui fait partie de ce mur de crâne, maintenant. Tu es surfeur toi-même ? Non, pas du tout. Quoi, j'ai fait du bodyboard pendant très longtemps. Et comment se fait-il qu'on puisse être sensible à une vague qui est à l'autre bout de la mais planète? Non, après j'ai toujours été passionné par ça, le surf, quoi. Moi, cette vague, elle m'a fasciné quand je l'ai vue en photo dans un surf session il y a hyper longtemps. Et j'étais fasciné par la lèvre qui était tellement épaisse. Et c'était une vague, il n'y en a pas deux comme ça, quoi. Et le fait qu'elle soit très violente, il y a un peu une... Quand on est adolescent, il y a une énergie adolescente dans cette vague, elle est violente, quoi. Elle est assez translucide, on voit à travers un peu. La lèvre peut faire des mètres quand le tube arrive, elle a beaucoup de souffle. Elle est impressionnante, quoi. Voilà, mais Liane, on parlera mieux que moi. Liane, tu peux nous la décrire, cette vague? Comme si un peu l'océan se retournait à un endroit précis. C'est, y a plus d'eau au-dessus du surfeur qu'en dessous, donc c'est... Ça crée comme une bulle géante dans laquelle les surfeurs se lancent, en fait. Bah de mort, quoi, maintenant. Quand est-ce que tu l'as surfé, Liane, cette vague? J'ai surfé en 2018, la dernière fois, et la première fois en 2013, il me semble. Ouais, en 2013. Et c'est chouette pour pouvoir se pousser un peu dans des vagues qui font un peu peur. D'avoir quelqu'un comme ça. Pourquoi elle fait peur? Elle fait peur parce que faut se lancer dessus, faut ramer très fort parce que voilà, il y a une énorme énergie de vagues qui arrive dans un endroit où il y a peu de fond. Donc d'un seul coup, toute l'eau va se retourner et il faut réussir à prendre la vague exactement au bon moment pour pouvoir être au bon endroit. À Tiupu, c'est vraiment la force de la vague en elle-même. Il y a des... ouais, je sais pas combien de tonnes d'eau au-dessus de la tête des surfeurs. Donc, c'est vraiment un millimètre près. Et en dessous, il y a peut-être un mètre de fond. Donc, on touche à chaque fois. Quand le surfeur tombe, c'est très rare de pas toucher le fond. Et c'est du corail. Donc Moi, c'est physique. Quand j'ai vu cette vague, quand j'étais ado, ça a été vraiment un vortex, quoi. J'étais fasciné. Mais ça ressemble à un vortex aussi. Ouais. C'est fascinant. Et je me suis dit, c'est la plus belle vague du monde, quoi. C'est ma vague préférée, je trouve que c'est la vague la plus belle. Et qu'est-ce que tu racontes dans cette chanson ? Je dis justement des choses hyper simples. Je dis surfer Tiupu, c'est fou. Et descendre Tiupu, c'est fou. Et après, je dis un crâne de plus au mur. Et là, je rentre dans un peu truc où je pense à... On est sous l'eau, quoi. Musique. En fait, c'est plus la musique qui parle de cette vague que mes paroles. On peut dire que le surf comporte une dimension ordalique dans la mesure où il y a un échange, une confrontation avec... des formes de divinité ou des formes de mysticisme. Et le fait de sortir vainqueur de cette dimension mythique qu'incarne la nature, c'est ça qui donne le sentiment d'être vivant. C'est quand on réussit à transcender la mort qu'on est soi-même intensément vivant. Et le surf possède cette dimension ordalique, parce qu'il y a la confrontation aux éléments. Et d'ailleurs, confrontation, c'est pas très juste, vaut mieux utiliser le terme de relation. Il y a ce dialogue qui s'orchestre avec quelque chose de symbolique, d'imaginaire, de mythique, de poétique, et qui sont des dialogues qu'aujourd'hui on a rarement l'occasion d'engager. Parce que justement on porte des masques sociaux et qu'on s'inscrit dans le paradigme de la modernité, c'est-à-dire voilà, la quête du progrès, être connecté, être en mouvement, mais au sens mobilité sociale du terme. Quand on est surfeur, on écoute la vague depuis le départ. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je regarde les cartes météo et isobariques tous les jours pour voir l'évolution comme un marin, un voileux. Et vous vous plantez tous les jours parce qu'aujourd'hui, vous pensez voilà. Alors aujourd'hui, j'avais une notion un peu des vagues, mais pas du vent. Et tout à fait. Mais néanmoins, j'essaye de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'océan, quel type de houle, etc. etc. Donc ça, alors c'est votre sentiment marin. Voilà, c'est le sentiment marin. Aujourd'hui, tout ça, c'est mis en algorithme. Et puis, il y a des services météo qui disent demain, il y a 1,50 m ou il y a 2 mètres. Mais moi, j'aime bien savoir d'où ça vient. Si on doit définir ce qu'est la philosophie du surf, c'est une philosophie de la liberté, de l'autonomie et de l'expression de soi, de la quête du voyage, de l'épanouissement de soi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de cette liberté, je suis le plus libre de la terre, et donc je suis assis sur ma planche dans l'océan et j'attends les vagues, il fait beau, c'est magnifique, etc. Je suis au maximum de ma liberté, mais ma liberté s'épanouit si la vague décide de me rencontrer, et c'est elle qui décide, et donc ma liberté est contrainte de mon accord avec le mouvement de la vague. Et qui plus est, quand je suis sur une vague, il y a une autre dimension du surf qui est une métaphore qui est assez belle. C'est que je me lance dans un déséquilibre. C'est-à-dire que pour me mettre debout sur ma planche de surf pour partir dans la vague, eh bien, je pars dans une position instable. Sur ma planche, je ne tiens pas debout s'il n'y a pas la vague. Et quand je me lance dans la vague, elle est verticale, je manque vraiment à tout instant de tomber. Et puis, évidemment, très souvent, je tombe. Et donc, c'est en étant en mouvement avec la vague que je me lance dans un déséquilibre, mais que, tout de suite après, je trouve mon équilibre. Donc, il y a la nécessité de la rencontre, d'être opportun par rapport au déplacement de la vague. Et la vague parfaite ? Et alors là, moi, j'ai le sentiment qu'elle n'existe pas. Ludovic Falex, sociologue. C'est-à-dire qu'encore une fois, la vague parfaite renvoie à la subjectivité des acteurs, donc renvoie à la subjectivité des surfeurs. Chacun verra la vague parfaite à l'aune de son propre prisme, quoi. Par contre, je pense qu'il y a une construction médiatique autour de ce qu'est la vague parfaite, que c'est une construction médiatique qui a émergé avec les premières phases de démocratisation du surf. Et la vague parfaite est une vague telle que les médias la véhiculent, c'est-à-dire tubulaire, dans une eau chaude, avec pas grand monde. Et ce qui est assez intéressant d'observer aujourd'hui, c'est que justement les médias construisent un autre discours, c'est-à-dire que les vagues parfaites aujourd'hui, compte tenu du fait que la dimension exotique des vagues en eau chaude a été expérimentée, éprouvée, et que tout le monde connaît ça, aujourd'hui on voit émerger une nouvelle forme de vague parfaite, qui est celle des eaux froides, en Islande, au Groenland, en Antarctique, et y compris dans les grands lacs aussi. Mm-hmm. Et voilà, et du coup, il y a la construction d'un autre imaginaire de la vague parfaite, qui est celle de la vague du Grand Nord, quoi. Voilà. Et on constate que aujourd'hui les vagues de Parlementia sont magnifiques, mais qu'elles ne l'étaient pas hier et qu'elles ne le seront pas demain. Que pour cela, il faudrait prendre l'avion pour aller à Taipu, une vague parfaite de Tahiti, ou alors en Indonésie. Et donc survient la problématique du surf comme sport olympique. Comment le rendre olympique alors que les conditions ne sont pas toujours réunies pour organiser une compétition? Et c'est créé ces dernières années ce qu'on appelle des vagues artificielles, des piscines à vagues. La plus connue étant celle du champion de surf Kelly Slater, qui est situé en Californie. Quel est votre sentiment? Les piscines à vagues ont toujours existé. La première piscine à vagues, elle a même eu lieu au milieu du Texas dans les années 60. Et il y a eu des piscines à vagues qui ont été construites après, mais elles n'ont jamais été parfaites. Et puis est arrivé à la fois par des inventeurs au Pays Basque espagnol, puis après, avec la piscine de Kelly Slater, un déferlement parfait. C'est-à-dire une vague qui déferle de façon parfaite et qu'on reproduit à volonté. En soi, le surf qui s'applique sur un déferlement parfait, ça fait rêver le surfeur, hein, parce que la vague est tubulaire, il glisse dedans, il peut faire ses manœuvres, et puis il peut répéter ses manœuvres puisque la vague est parfaite, etc. Mais ce qui est totalement contradictoire avec le surf, c'est que le surf, c'est un aléa. C'est l'aléa d'une rencontre avec la vague, et la vague, elle est toujours incertaine. Et c'est la vague qui est reine, voilà. Et c'est ce rapport à la vague qui crée finalement la passion du surfeur, ce rapport à l'incertitude de la vague. Et tous les surfeurs le diront, même dans leur pratique du surf, ils disent un jour, ça a été merveilleux, et le lendemain, ça a été nul, il n'y avait pas de vague, etc. Et quand on a réussi une bonne vague, on est toujours dans l'expectative de la prochaine, dont on ne sait pas si c'est demain. Et voilà. On rêve de la dernière. On rêve de, voilà. Alors, on a la dernière en mémorisation, et on pense à la prochaine, dont on ne sait pas. Combien de fois on s'est endormi le soir en disant « demain, il y aura des vagues parfaites », et on se réveille, le vent est mauvais. Donc, c'est les imprévisibles de la météo qui font la magie du surf. L'impondérable, l'incertitude et ce rapport de chance avec l'incertitude, qui engendre évidemment un rapport de frustration, mais malgré tout, la joie l'emporte sur la frustration. Donc, quand on crée une vague artificielle, eh bien, on supprime ça. Voilà. Donc, la vague artificielle ne fait absolument pas l'unanimité dans le monde du surf. Voilà. La démarche de la Fédération internationale, par l'intermédiaire de son président Fernando Aguirre, a été d'abord de faire reconnaître l'activité surf comme discipline olympique. Pascal Bernadet, vice-président de la Fédération française de surf. Le problème, il est, et on l'a vu dans d'autres disciplines, comme par exemple le canoë-kayak, qui aurait pu développer l'activité slalom en environnement naturel, mais ça a posé un problème de répétition de cette activité dans les différents Jeux olympiques. Et bien évidemment, certains se sont empressés d'emprunter cette voie et nous ont dit, si jamais on a une vague artificielle, à chaque fois, les Jeux olympiques se dérouleront en espace artificiel. Ce n'est pas notre volonté. Alors on peut effectivement dire que si jamais on veut pérenniser le surf dans des espaces ou dans des, pour des villes qui ne seront pas proches de l'environnement naturel, eh ben, la dimension d'une vague artificielle peut être un pis-aller momentané qui pourra organiser une épreuve olympique. Est-ce qu'on ne peut pas craindre que se développe ici ou là, en Chine, au hasard, des fermes à surfeurs? J'imagine qu'une nation comme la Chine a pour volonté de, d'avoir des médailles en surf. Il y a des spots en Chine. Tout à fait. Est-ce qu'on ne peut pas craindre qu'avec la création ou la légalisation sportive d'une vague artificielle, n'apparaissent des vagues à surfeurs parce que la Chine a envie d'avoir des médailles? Alors, et avec toute une implication sur la pratique, sur le style et sur le devenir d'une pratique qui est fondamentalement océanique, aléatoire, et dont le style émane véritablement de la vague. Bien évidemment, c'est le danger. C'est le danger de... Si un surf se développait uniquement en milieu artificiel, on aurait des vagues standardisées qui se répètent à l'identique. Et le surf serait progressivement transformé en une espèce d'acro-surf. L'environnement serait stable, répété de la même façon, et permettrait la virtuosité sur des figures déjà cotées, et on est proche de la gymnastique, et on est proche de l'acro-sport, etc. Si jamais le Graal, c'est d'aller surfer la vague de Tiupo, eh ben, à Tahiti. À Tahiti. Qui est choisi pour les Jeux Olympiques de 2024. Mais c'est pas sur une vague artificielle qui va apprendre à surfer Taipu, le monsieur. Oui, mais il pourra peut-être faire son éducation et son apprentissage au départ sur une vague artificielle, puis ensuite développer ses compétences sur différentes vagues, ici ou ailleurs, jusqu'à arriver à ces vagues mythiques. On ne peut pas couper. Donc, je vous en prie. Le label rouge, après un élevage en batterie. Oui. On va dans le champ. Exactement. On est où, François Verdet? On est sur à la limite de la commune de Saint-Jean et de Guétari. Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz, ouais, on est sur une colline herbeuse avec un âne à 2 mètres de nous, même pas. Juste derrière, qu'est-ce qu'il y a? Ah, juste derrière, il y a les locaux de Boardrider. Avant, on disait Quicksilver. Bon, maintenant, et ça a été racheté par un fonds d'investissement américain. Donc aujourd'hui, c'est Quicksilver, Roxy, Billabong. Donc le terrain de 7 hectares, il appartient pour 3 hectares à Boardrider et pour 4 hectares à la mairie de Saint-Jean-de-Luz. Et c'est cette colline, la herbeuse, cette prairie là, avec les ânes là, qui sont encore autour de nous, qui viennent participer. Et puis cette forêt là, qui se déploie devant nous, on pourrait approcher. Bon, c'est une forêt assez dense, il y a des ronces, il y a des arbres, mais on peut aller voir. C'est juste là. Enfin, je veux dire, on est en pleine nature là. Au-delà de la dimension environnementale, écologique, d'aménagement du territoire, touristique, etc., pourquoi les surfeurs ne voudraient pas une vague parfaite, qui déroule à l'infini? Parce que c'est absolument faux tout ça. Tout ce que tu es en train de dire, c'est absolument faux. En fait, déjà, les vagues ne sont pas grosses, contrairement à ce qu'on nous vend. C'est sûr, quand on met un pro, on met des grosses vagues dans les surf parks. Mais au quotidien, ils sont obligés de mettre des petites vagues parce que le niveau moyen est moyen, voire faible. Donc, comme les gens payent, ils ne sont pas là pour s'en prendre plein la gueule. Donc, ce n'est pas très excitant. Et en plus, elles sont souvent très moyennes. C'est-à-dire que, vu que c'est des parcs qui se trouvent en extérieur, quand il y a du vent, de la même manière que le vent va gâcher les vagues dans l'océan, il gâche les vagues dans ce surf park. Ensuite, il faut ajouter à ça, c'est que tu ne prends pas autant de vagues que tu veux. C'est-à-dire que dans un surf park, tu as payé pour être à un endroit donné. En fait, il y a une séparation avec un espèce de ponton au milieu. C'est soit tu as payé pour prendre des vagues en gauche, soit des vagues en droite. Dans l'océan, je veux dire, tu peux aller prendre des gauches ou des droites. Et tu as payé aussi soit pour être au fond, ce qu'ils appellent le niveau expert, soit au milieu, le niveau intermédiaire, soit devant, dans les mousses, le niveau débutant. On te met un lycra sur le dos et en fait, tu es cantonné dans la zone pour laquelle tu as payé. Tu as un bracelet à la main, il y a un chrono qui tourne et au bout d'une heure, il faut que tu repayes. Et il faut savoir qu'en fait, le prix moyen, c'est 60 euros de l'heure. Donc ça aussi, c'est une info qu'on a voulu rapporter aux surfeurs en leur disant « Ne vous leurrez pas les gars, là, vous fantasmez là-dessus, ça coûte une blinde, quoi. » Tu fais la queue, parce que je veux dire, tout le monde peut pas y aller en même temps, donc les gens sont en train de faire la queue les uns derrière les autres avec leur petit lycra et leur petit bracelet électronique à la main. Enfin, je veux dire, ça dénature tellement le surf que, je veux dire, c'est... C'est un loisir dans un parc d'attractions, mais arrêtez d'appeler ça du surf. Donc là, on est sur la plage de Parlementia, on marche sur le sable. Donc on va se mettre à l'eau sur la vague de Parlementia, d'Idar Guettari. Aujourd'hui, il y a une houle longue, à peu près de 1,50 m, 2 m, qui grossit. La marée descend, il n'y a absolument pas de vent. Et du coup, le plan d'eau est extrêmement lisse. C'est très joli, ça augure d'un déferlement presque parfait. Voilà, c'est un joli pic. Donc on croise, si je ne me trompe pas, notre ami Filou. Oh, Filou. Voilà. Qui nous a sorti son gun de 9 pieds. J'espère pour nous prendre toutes les vagues de la série. Exactement. Tu m'en laisses un petit peu avec ma petite planche. Oh, il y aura. Voilà. La vague gigantesque était tournée vers le soleil levant. Et malgré le brouillard qui commençait à se dissiper comme s'il n'était venu que pour dissimuler son approche, formait à elle seule une surface assez vaste pour capturer ses rayons et renvoyer sa lumière, imprégnant l'air matinal d'un éclat ambiant, d'où l'on vit soudain surgir un surfeur solitaire. L'homme, en parfaite condition physique, arrivait d'au-delà des arènes et suivait une trajectoire impeccable, faisant preuve d'une telle maîtrise que c'était un régal tant pour le spécialiste que pour le néophyte. Et il surfait à certains moments les bras le long du corps, comme si cela ne lui demandait aucun effort, et à d'autres moments, ses mêmes bras déployés, un peu à la façon d'une mouette en plein vol. Extrait du livre Tijuana Straits, de l'écrivain américain Kemnon, lu par Jérôme Lafargue. Voilà, et c'est pas tout à fait la fin, parce qu'il y a dans cette scène-là, il y a justement celui qui surfe, c'est le héros du livre. Et dans tout ce livre, il parle de celui qui lui a appris à surfer, qui est une espèce de surfeur mythique, qui est un ermite. Et on ne sait pas s'il est, on sait jamais vraiment s'il est mort ou pas. Mais il le voit tout le temps. Et bien sûr, rares sont ceux qui le voient surfer cette vague. Et au loin, il aperçoit une silhouette un peu déguenillée, un type qui tend le bras comme ça, et comme le saluer pour lui dire « Voilà, tu es des nôtres ». Où tu m'as rejoint, où que je sois, on ne sait pas s'il est dans une espèce de limbe ou s'il est mort ou pas mort, et finalement on s'en fout, parce que ce qui compte c'est justement cette espèce de fraternité qui se joue à un moment où on l'a compris, les autres, ceux qui étaient sur le spot, sont soit sous la flotte, soit sont en train de sauver leur jet ski, et finalement ne voient absolument pas ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire cette quête absolue où on surfe parfaitement. Une vague parfaite sur un temps qui peu importe que ça dure 10 ou 15 secondes, mais quand on est dessus ça dure toute une vie, et c'est comme si c'était une vie qui venait d'être remplie une bonne fois pour toutes. Dans la littérature, à chaque fois il faut que la vague soit grosse, puissante, et la plupart du temps elle est surfée sans personne, c'est-à-dire que le surfeur est solitaire, et c'est un plaisir qu'il prend pour lui, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas partager. Parce que la sensation d'une vague, avant tout, c'est... En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est le silence après le fracas. C'est-à-dire, quand on est à l'eau, il y a beaucoup de bruit, quand même. Puis tout d'un coup, quand on est sur la vague, moi, j'ai l'impression qu'on n'entend qu'une seule chose. C'est le... Voilà, c'est cette espèce de... Quand on file, quoi. C'est ce qui ressort. C'est cette espèce de moment de silence et de suspension totale avec tout le reste. C'était La Vague Parfaite. Coordination Perrine Kervran, attachée d'émission Marie-Bonne Abolivier, mixage Régis Nicolas. Un documentaire pour LSD de Raphaël Kraft et Gilles Mardi-Rossian. Avec Aurel Jacob, Pilou Ducalme, Marie Choudary-Grand, Gibus de Soultrait, Jérémy Lemarié, Jérôme Lafargue, Peyo Lizarazu, Petit Fantôme, Liane Curen, Ludovic Falex, Pascal Bernadet, François Verdet. Musique originale,